travaille. Bueno, vale. Sácate. Bueno, vale. soir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est l'émission Nuisance qui touche à son début. Il est 21h15 à Toulouse le 23 mars 2012. Quelqu'un est enfin mort, selon d'autres. Sûrement que des conneries. Alors, ne rien dire du tout. Ne rien dire du tout. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. On écoute un Catharsis et Al. bientôt 21h30, l'heure d'annoncer l'heure sur Canal Sud. Il est bientôt 21h30 sur Canal Sud. Vous êtes toujours sur Canal Sud, 92.3 FM, Canal Sud Planète. Bienvenue, vous êtes sur Planète Nuisance. La Planète Nuisance est une planète horrible composée d'aliens en putréfaction. La Planète Nuisance est la planète de tous les aliens. Les aliens sont là pour vous manger. Ils sont anthropophages, les aliens anthropophages en vous. Becter, encore et encore jusqu'à la fin des temps. Et puis tant pis. Vous allez mourir, vous entendez la mort arriver. Vous êtes bientôt la mort, ça y est, vous aimez la mort, vous y êtes. Vous êtes la merde puante, la merde chiante, la merde qui fait chier. Vous êtes tout sauf intéressant. Vous êtes tout sauf. Vous êtes quelque chose de vrai. Juste pur. Vous allez crever de votre merde. Vous êtes de la merde. Nous sommes tous de la merde. C'est toute de la merde. De la merde, c'est nous. La merde. Le but de la merde, d'abord, c'est maintenant. Pour vous, ce soir. Tue l'esprit. Ouais. C'est ce son-là qu'on veut. C'est ce son-là qu'on veut. Ce son-là qui tue l'esprit. On le veut, ce son qui tue l'esprit. On le veut. Qui tue le cœur.

Je disais justement que ce soir, bah, comme d'habitude, sur Nuisance, éloigner les enfants, on va faire de la merde. Comme d'habitude, Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui fait de la merde, donc voilà. Vous êtes prévenus. Bienvenue sur Radio Nuisance. De suite, Micro Bleu au micro va nous interpréter un alter ego de Jean-Sébastien Bach. Puis-je m'y mettre dans son cul ? Dans son cul, bien sûr, je vous en prie, il y a de la place pour 36. Dans sa chatte. Dans sa chatte aussi, il est allé au Brésil. Il est encore 50, ce n'est pas possible de commencer cette version. Alors nous allons faire une version un peu dérogatoire qui va être en, évidemment, la mineure. Car cette gamme est assez différente. Et laissons place à la démesure. Voilà. Vas-y. Enfermé. Chante plus fort encore. Mon Dieu. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il parle de sa jeunesse, oublié. Sortez derrière moi. Ah non, les fantômes sont parmi nous. J'ai mal. Bon, bientôt trois autres fous vont nous rejoindre. Par contre, moi, je suis pas forcément d'accord, donc ils ont qu'à crier de la rue, quoi. Hey, on est dans la rue. On est pas content. On est pas content. Non, Mao, j'ai pas dit dans la rue, j'ai dit à la rue. Mao, Mao, Mao. C'est bon, vous êtes mort ou quoi? Mais je vous tue. Non. Mao, il est mort. Pourquoi tu parles d'un mort? C'est pas bien. Arrête de parler des morts comme ça. Mao sera jamais mort. C'est toi qui l'as tué dans ton cul, dans ta chatte. Mao est encore vivant. Il est au fond de notre cœur. Merde. Un cœur. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je venais de tuer le cœur il y a un quart d'heure, justement. Je venais de tuer le cœur et tu viens de me remettre ça dans la tête, quoi. Mao, on le fait en cœur. Mao. Ce soir, il y aura beaucoup d'écoute musique. Alors. Si nous sommes tous avec toi, nous voulons tous t'écouter. Alors, mon ami. Tous les amis allemands. Silence dans la salle. Il y a un micro bleu. Je voudrais dire que le mot interdit ne pourra pas être prononcé. Alors, nous allons procéder aux fameuses dérogations. Et prendre un chemin de travers. Cette histoire est un peu Elle est quoi cette histoire? Elle est un peu pourrie, c'est ça l'histoire? Elle fait surtout dans ton cul. Ouais, dans ma chatte, c'est ça. Et dans ta chatte, at. Oh la chagate. Alors, tu sais qu'il y a une parole, parce que moi la mienne Alors j'ai vraiment pas de micro, je pense que c'est peut-être un peu foireux. Il est 21h55 et c'est la merde, on est complètement pété. Et mais Farid, on t'entend pas. Putain, ça craint avec les gars. Ta guitare. Moi j'ai bon. Il y a beaucoup d'alcool, on dirait. Alors, je voulais interpréter, on avait dit un morceau de Bach. Quelle honte, quelle honte. Avec une guitare à la bouche. Voilà, c'est un exploit. Bon petit spray. Alors, je vais vous interpréter ça maintenant. Et j'aimerais avoir des chœurs qui me suivent. Eh, mais tu aurais pu continuer, c'est bien. T'as chié, super, merci. Vous voulez pas recommencer? Allez, hop. Allez, on t'emmerde. Si, merci. Ces excréments ne seront jamais aussi boutus que nos escalopes de père dodu. Voilà, c'est dit. Marre de manger du caca toutes les heures. Oh, belle vie. Marre de manger de la merde. J'aime quand tu es doux. Le voilà qui s'est perdu. Et oui, nous vous attendons à être mieux. Dire n'importe quoi, pourquoi pas. Ouais, mais vous aimez la merde, alors on vous donne de la merde parce que vous aimez la merde, hein. Vous aimez la merde quand même. Des pétards à la bouche, mais elle a perdu sa promise dans une conceptualisation un peu improbable. Conceptualisation un peu improbable, mais pourquoi pas. Improbable, mais n'est-il pas qu'il n'est pas forcément improbable parce qu'on aime la merde. Et la merde, nous disons encore une fois que c'est bon pour vos oreilles. Parce que nous savons tous que la merde est Il y a quelqu'un qui appelle pour une thérapie, je crois. Une thérapie? Ouais, c'est cool. T'aimes les thérapies, toi? Bah, réponds. Enculé! Non, c'est pas un enculé, mais vas-y, réponds, merde. La baisse, quoi, tranquille. Non, on est pas tranquille ici. Ouais, ça va bien, ouais. Ouais. T'es où? T'es au pôle Nord ou au pôle Sud? Plutôt au milieu, là. Ah, ouais, d'accord, ok. On est pas le milieu. Nous, il faut un ou l'autre. Ah ouais, t'aimes bien te toucher, ouais, j'aime bien aussi. Là, vas-y, tu peux me parler de ça? Surtout quand je pense à toi. Ah ouais, vas-y, parle-moi de moi. Ça fait tellement longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps, hein. Ah ouais, ça fait tellement longtemps que, ouais, tu te souviens, quoi. Tout ça, quoi. Ouais, ah, c'était bon, ouais, je me souviens. Ah, ma salope. C'était le bon temps. Ah putain, ma salope. Satan ma bite, ouais, je sais que Satan ma bite. Toujours Satan ma bite. Satan, t'as une bite. Mais je veux dire, ma bite, elle se tend tout le temps. Hein. Dès que je vois un petit scrotum ou un petit anus ou un petit truc, tu vois. N'importe quoi, ça me fait bander à moi. Sérieux, même une ampoule rouge avec encore un micro rouge, putain, pourquoi je me retrouve toujours avec un micro rouge? Al, pourquoi je me retrouve toujours avec un micro rouge? Parce que tu te mets toujours à la même place. Ça craint, hein. Je suis désolé. Pardonne-moi, c'est pas ma faute. T'es sûr? Je suis désolé, c'est pas ma faute. Et c'est très rouge chez moi. Ça me fait penser au sang, au malheur et au massacre. Et à Draco aussi. Parce que Draco, il aime le rouge. Draco, spécialiste du jeu de massacre. Ah ouais, moi j'aime le massacre. Je suis sûr que vous aimez Nuisance sur Canal Sud, hein, parce que vous êtes des merdes et on vous emmerde. Et on s'encule devant vous, tu sais. Vous ne voyez pas, mais on est en train de s'enculer, parce que c'était pour nous tous des merdes. Vous êtes tous des culs et des bites. On n'est pas la webcam, bordel, parce qu'on aurait la webcam pour nous faire et nous enculer. On s'en fout, on n'aurait pas la webcam. On n'a pas le droit de s'enculer sur la webcam. C'est ça, c'est cul, merde, chiasse, cul, merde, chiasse, bite, beaucoup de bite. Ça fait combien la racine cubique de 480? C'est pas 152? Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. C'est 46 terres. Bon, mais encore une dédicace à Ezekiel, sans lui, on dira pas. Chez vous tout à l'heure, hein, si vous entendez, ou si peut-être vous ne vous entendez pas, mais on vient chez nous. Il a dit le mot interdit, papa. J'ai dit le mot interdit. Le mot interdit, c'est quoi, c'est papa? Papa, fais-moi les fesses. Papa, papa. Il a dit le mot. C'est papa. Papa, c'est le mot interdit ce soir. Pas papa. On n'a pas le droit de dire papa ce soir. Papa, papa, non, papa. Non, pas papa. Papa, papa, quoi? Mais on a le droit ou pas, papa? Mais quoi, on n'a pas le droit de. Papa? De pas? Pas. De pas quoi? On n'a pas quoi? Papa? On n'a pas le droit. Papa nous a pas voulu, alors il n'y a pas de papa. Papa nous a pas voulu, mais nous a quand même dans le cul. Papa, papa. Hein? Papa. Non? Tu confonds le prix de vache avec celui de ta femme, c'est vrai? Ouais, mais en même temps, tu verrais, depuis ma femme, ben, je pense que c'est comme celui d'une vache, hein. Mais tu vois, genre, métaphore de la vache et de la plante, c'est plus sacré, tu vois, c'est plus sacré qu'une femme. Alors, je pense que d'enculer une vache, c'est plus sacré que d'enculer une femme. Ça dépend dans quel pays. Ouais, la sodomie déjà. Ouais, mais en regarde, c'est quand même pas mal, il y a. C'est 6 milliards d'habitants. Non, quand même pas. C'est 2 milliards d'habitants, tu vois. 2 milliards d'habitants. 2 milliards de bites. 2 milliards de bites. 2 milliards de bites qui enculent des vaches. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire de vaches et de bites. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans le monde. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin dans le monde. C'est pour ça qu'il y a l'énergie sur la musique. La fin dans le monde, c'est pour ça. C'est à cause des vaches et des bites. Les vaches et les bites, c'est cool. C'est vraiment cool. Je voudrais passer un message environnemental. Un message pour l'environnement. Les vaches émettent du méthane et détruisent la boue d'ozone. Donc si on encule tous les vaches, elles pourront plus péter. Donc ça fera moins de méthane pour la boue d'ozone. Il s'agit de savoir où on... Thank you. Wow, pardon, excusez-moi. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est l'émission Nuisance qui s'en plaint. Il est 22h15, le 23 mars 2012. Et il y a Johan, je sais pas comment, autiste, voilà, il y a autiste au bout du fil, qui tape sur sa batterie, je crois. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais. Il y a un mec qui est un peu barjote. Au pôle nord ou au pôle sud, je sais pas exactement. Un peu entre les deux. Donc, pour répondre à Javier, il s'agit de placer sa merde en marge. Mais il n'entend rien. En marge de la société. C'est bien en rapport avec la merde. Nartoum Baden, Nartoum Baden. Mais pour qu'elle fertilise à nouveau la terre. La merde est marginale, mais elle est utile. Un petit peu comme les restes. En fait, il faut pas la noyer sous 12 litres d'eau, en fait. C'est pas très... écolo. Mais sous 12 litres de vodka, de ça potable. Devrait passer, non? Si on a un marginal sous 12 litres de vodka, je pense que on peut fertiliser les choses. Marginal, tu te crois, mais t'as vu, c'est trop drôle, tu bois du Coca-Cola intégré dans ton rôle. On nous entend. Pas de poudre, non, pas de poudre, une autre énergie. Pas de poudre, non, pas de poudre, une autre énergie. Fuck the shit. Fuck it all. That's all I wanna do. Just fuck voilà it. Mois que c'est me comme si voilà mois on te retournait avec Gaeté. Fuck it. Comme dit le dicton, rendons à César ce qui est à César. Rendons à au pape vers son caca. Au pape des torrents de merde. Au pape ce qui est au pape. Des torrents de merde, exactement. Consigné. Ah, je te rendrai la monnaie de ta pièce. Du Nicaragua, pourquoi n'es-tu pas pleine de caca? Fuck me. Je les ai tous entreposés fuck dans les bocaux us. De ma grand-mère. Fuck everybody, beaucoup, fuck thing. Ah oui, la grand-mère. Fuck everything. Ah oui, la grand-mère. Fuck c'est une tradition ukrainienne de voir de la merde dans les bocaux. Regardez sur l'étagère. Moins fort. Fuck, j'ai tout gardé, beaucoup sur l'étagère pour pouvoir ouvrir. Big fuck. Nous parce que nous, beaucoup avoir chié. Ah ouais, si d'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Si tu es en transe, tu ramènes. Nous aimer chier. Merde égale vie de nous. Ici, on est en transe. Si tu es en transe, tu ramènes la déféquence. Tu as compris? Nous rentrer. En transe avec matière fécale. Et avec matière nous fécale, vouloir être têté. La transe avec matière fécale, tu la mets dans tes cheveux, tu la mets partout dans tes yeux. Quand tu fais du eyeliner avec ta matière fécale, marquer ta main sous les ongles, t'en mets partout. Biomasse, c'est très beau. Pour la biomasse, très tendance. Très tendance pour la biomasse. Méthane fécale. J'ai l'impression KGB soviétique, écoute-nous. Nous, radio dissident. KGB pas aimer ça. KGB réprimé. Fuck dissidents. Fuck dissidents, exactement. biomasse, mais mes fils. Mickey Mouse. Fuck we us. Love Winnie Mouse. We love Donald Duck. Okay. We love the fuck. We love fuck me. He love fuck no, me. No, I don't fuck you, man. I just fuck why me. Why not you? I fuck me. But why? Because I like to. Because she like me. But no, you. No, I like to fuck. And who? In my ass, it's but a butter. Not you. No, I don't put butter in my ass. It's a chicken. It's cheese, man. It's cheese, man. Cheese, man. Yes, cheese. I'm a cheese, man. Be cheese, be funky, be funkadelic, be stinky, be pukey, be shitty, be fucky, the wash machine. By month. Let's just fuck the fuck machine. And yes, cheese in my cock. Cheesecake. But I don't let's care. Fuck the fuck machine. Because cock, oh baby, don't baby. Like cheesecake. Because oh, baby, I baby. Like this. Yes, I like this. And I affirmate me because I'm under. The repression. I'm under the depression, drug. Depression, depression, depression. Fuck. Fuck. Adieu. Fuck. Fuck. Éviter les et voilà, à cause de vous, bah, chers auditeurs. Mais j'ai pas pu faire mon job. À cause de vous, cher lecteur, j'ai pas pu réaliser ma passion. Et vous voyez ce que ça fait quand on a dit travail et passion. Met... Et ben voilà, ce soir, on vous met le feu. Destruction, super nuisance, destruction ce soir. Passion fanatique pour nous aussi. Exactement. Qui nous détruit, nous avons peur de cette passion. Le long de mon maillot, j'essayais d'esquiver les coups des alligators qui pensaient que j'avais tort. Je voulais pas voter ma quête, je voulais pas voter pour une pompée. Mais les alligators m'ont dit, laisse tout crever par la dioxine. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Alors j'ai répondu, heureusement que t'es pas mouru. Sinon comment on aurait fait pour faire passer, tous ces immigrés, la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, comment on aurait fait pour faire passer à tous ces pauvres pédés qui ne pouvaient pas se défendre contre ceux qui te donnent envie de te rendre. Oui, micro bleu, je vois que tu parles de Tragic Fuka. Toi, tu es un connaisseur. J'ai ma carte de membre. Tu as ta carte de membre du Tragic Fuka et bien sûr, tu as le mal au cul comme nous tous. J'ai le mal au cul car il a un gros membre. Lui aussi a ses cartes. D'ailleurs, je suis là. Je tiens à signaler que nous allons tous faire un meeting pour le mal au cul et contre la présidentielle ce samedi 8 avril en 2071, s'il me semble bien. Alors, nous votons au naufrage universel. C'est très commode. Je me dois. À voter. Bon, après, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut payer de sa vie le droit de vote. Mais bon, hein, quand on veut, on compte pas. Il y en a qui se sont battus, même beaucoup trop, pour voilà, le droit de vote. On va faire une chanson maintenant. Il y en a qui une se sont battus aussi contre le droit de vote. Une chanson sur quoi? Une chanson sur quoi tu veux faire? Petit garçon, allez bien. Sur de la merde. Une chanson sur voilà, le une chanson Pen. Sur de la merde. C'est bien, c'est ça. J'ai des voisins qui sont toujours dans la merde. Quoi que ça devient un peu. J'ai des voisins un peu presque qui la merde. Banal quoi la merde. Attends, on va finir par y arriver en fait. Ils sont dans l'anal. On va finir par y arriver. Ils font pas de dommages collatéraux. Ça va être dramatique bientôt la merde et après ça sera bon, il y aura plus à parler de merde. Honnêtes, on va parler de. Ils ont envie de dire. Même si t'as une petite quéquette, ils s'en foutent tant que tu peux jouir. Oh oui, c'est mes voisins, c'est mes copains. Ils sont squatteurs dans la torpeur. C'est mes voisins, c'est mes copains. Ils mangent à toute heure. S'ils pouvaient. pouvait manger de la techa, il serait content, mais y a pas ça. Alors il mange des anus d'homme un peu trop sale. Alors il mange des anus d'homme un peu trop gras. Alors il mange des anus d'homme qui sentent le vinaigre. Ah! Mais c'est mes copains, même s'ils sont squatteurs, même s'ils sont dans la torpeur. Mais c'est mes copains, même s'ils sont pas beaux, même s'ils sont pas bio. Mais c'est mes copains, même s'ils mangent que des plats en gratin. Là je m'en vois un, il joue avec Eli Kekou. Car on a fait une séance de spiritisme, c'est pour ça qu'il y a des interférences. Et même si mon flow est rance, ben je vous emmerde et je vous dégouline dessus. Parce que mon corps est un gros caca qui pue. Faudrait qu'on construise une fosse sceptique pour tout ça. Et la partager avec nos voisins. Une fosse sceptique peut faire la taille d'une faille sismique. Sinon on ferait un sixième tsunami, continent. Un tsunami de caca de Katsumi. Le caca de Katsumi, c'est comme le un caca de Moa. Un tiramisu qui te soumet en dessous avec des fortes chartelles, des saucissons, des mortadelles, avec des ficelles. S'il vous plaît, car tu es en plan bondage. Tu es en plan bondage. Pourquoi tu n'aimes pas le caca? Parce que mon petit déjà passe pas. Pourquoi tu n'aimerais pas le popo? Parce qu'il faut une chambre et avec un pot de chambre. Pourquoi tu n'aimerais pas le... Parce que j'ai mis du caca au-dessus, sinon ça fait pas beau. Et la suggestion de présentation, c'est très important pour manger le caca. Et tous les gens qui aiment le banana split, n'oubliez jamais que c'est pas du chocolat, mais du caca. Ah ah, du caca. Ah ah. Avec du caca, on peut faire des mandalas. Avec du caca, on peut même faire des sandales. Avec du caca. On des coloscopies amphibies. Des coloscopies. Moi je voudrais qu'on me prenne un bras pour le donner à Jéhovah. Moi je voudrais qu'on me prenne un bras pour le donner à Jéhovah. Et prenez mon froid, mes entrailles, et donnez-le à tous ceux qui piaillent. Et prenez mon ventre, mon cerveau, et donnez-le à manger aux gigolos. Mais on est là contre les gens qui ont de la libido ce soir. Et si tu fais l'amour avec ta meuf en le tout coutant, c'est vraiment beaucoup de désespoir. Tu joues avec sa main, et si il fait l'amour avec la son meuf, bah à ce moment-là, sache roi. Que ton mec va te larguer. Et si toi t'es la meuf, sache vagin. Que t'es alors, juste une grosse casquette. Je remonte vers le haut parce qu'il sait qu'il y a une bosse et là ça fait des trucs. Enna qui font l'amour dans le studio de radio. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est beau? Ça je ne sais pas, moi j'ai pas mis vidéo. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh oh oh. Où tu l'as perdu? Dans ta fosse sceptique, ta libido. J'ai peut-être perdu ma fosse sceptique, mais moi je kiffe Dino. Oh oh. Parce que Jenny from the block. Et toi tu peux pas tester, parce que si Jenny est from the block, alors toi t'es qu'un gros PD. Je sais pas du tout dans quel bloc ça se trouve, mais en fait j'ai pas la monnaie pour prendre le bus et y aller. Alors qu'en fait si je le voyais, je pourrais rivaliser. Bon, c'est quand vous commencez à vous battre et tout. Parce que vous commencez à parler de PD, d'enculé et tout ça. Donc je me dis tiens, ils vont se battre. J'ai appris si tu te déshabilles pas, bordel. Je vais bander oh. Tout mou. Merci. Alors déshabille-toi, parce qu'il y a une piscine debout. Et si tu te déshabilles pas, moi je t'assure, je vais bander tout mou. Mais un jour, on courra main dans la main avec le générique d'alerte à Malibu. On n'aura pas peur, soir, on pourra marcher sur les nains. Et dans ton vagin, et le cul de vagin, tes copains. Et dans le cul de tous mes copains. Parce que nous on est comme ça, on aime partager. Que ça soit un anus, un an, ou même un yacht de Bolloré. Même si même on... s'il y a que des personnes âgées dessus, il y a quand même des culs et ça fait du bien quand t'es dans des vagins et des culs de ton voisin. Après la croûte le cul. fait toujours mieux le cul comme ça. Double sensation comme Hollywood. Dans tes pensées j'insinue mes idées, dans tes dans ton cul j'insinue mon vécu. Dans tes pensées j'insinue mes idées, dans ton cul j'insinue mon vécu. Dans ton cul sinueux. Dans ton cul sinueux, je dramatise mes aveux. Mais mes aveux sont ici pour développer mes idées. Et mes idées sont mes envies. Et mes envies sont ce que je crée. Et ce que je crée, c'est dans ton cul que je le crée. Nous demain nous ne serons rien. Après demain nous ne serons plus rien. Nous serons que de la poussière qui tournera à la terre mère nourricière. Mais si jamais toi qui as un avenir qui peut te battre contre ces types à gloire, contre ces enfoirés pleins de pouvoir, de bifton à la rétorée. Alors on t'appelle, ne baisse jamais les bras, bats-toi jusqu'à la fin. Tu en crèves, certainement tu en crèveras. Mais c'est ainsi qu'on fait les grands hommes, c'est ainsi qu'on fait les grands destins. C'est ainsi que se font les révolutions d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les révolutions c'est pour les cons et la terre mère elle est un je l'encule entière. Et donc encule ma mère. Encule sa mère mais n'encule pas la terre mère nourricière si la branche aurait. Encule notre mère à tous et toutes. Tu gigotes tellement dans ton lit sans arriver à trouver le sommeil. Encule ta mère. Ouais. Pourquoi tu défais que lorsque tu as 35 ans. Encule ton père. Pourquoi est-ce que tu t'urines dessus. Encule. Alors que tu pourrais tellement te suriner. Encule. Pourquoi est-ce que tu prônes la sodomie alors que tu as pas de vagin, une clitoris, une merde. Anus. Pourquoi si tu chies par le trou de nez. Putain c'est pas possible. Prenez la sodomie. Pourquoi est-ce que tu fais de la gaine. Merde. Avec tes cheveux. Merde. Pourquoi, hein, pourquoi. Est-ce que tu vas me dire, hein, pourquoi, tu hein. Tes bras, tu veux descendre en bas, pourquoi. Tu piques les bras, tu veux descendre en bas, mais t'es déjà plus bas que terre. T'as déjà... Si je suis plus bas que terre, c'était pour apprendre, certes, une expérience trop amère, pour apprendre le savoir... Expérience par derrière. Non, le savoir qu'on ne pouvait que... Ne regarde se... pas on derrière pouvait toi. Que se méprendre sur l'exemple des autres, parce qu'on ne fait que singer sur le savoir sur lequel on ne pouvait pas se tromper. Si j'ai des singes. Ah, c'est quoi cette histoire encore. Il y en a marre. Domination, soumission aux chiottes. T'as vu la parole du singe. Que pensez-vous des gens qui ont privatisé la marque 64. Je pense que ce sont des piments. Est-ce qu'on peut privatiser un numéro. Et ils nous ont pris pour des jambons. Micro Rouge est en train de penser. Si Micro Rouge pouvait nous dire ce qu'il avait sur le cœur à évacuer. Sinon Micro Rouge on va le tarter. Là, c'est quoi cette histoire là de tu micro. T'en vas, tu sors. C'est quoi micro. Le problème là. Tu sors, y a tu un dis problème. Rien, tu sors. Hein. 2, 3, hein, c'est quoi, on est des professionnels ici, hein. On a quelque chose à faire maintenant, on va le faire. Dit, alors, nous, ce soir, nous ce qu'on fait, quand on a un truc à faire, on fait de la merde. T'arrives comme ça, t'as un créneau à respecter. Voilà, t'as le temps horaire, t'as le temps horaire à respecter. Et y a quelque chose à dire aussi. À tous les gangstas fouriens. Ouah, parlez. On va en parler. On va en parler de tout ça, les gars. Il y a un truc qui doit changer maintenant. Ouais. Vous entendez? Changeons le monde. Changeons le ça monde. Ça veut pas continuer comme ça. Tous changeons ensemble. Même pour en faire de la soyons merde. Soyons immondes. Ça veut pas continuer comme ça, vous entendez? Changeons le monde. Soyons immondes. Soyons le monde. Soyons immondes. Ça appartient de ce monde de chien. viens récupérons notre vent. Oh Dieu immonde. Nous avons déjà 8 personnes décédées sur cette antenne. À force de nous écouter, c'est un bon début. Ouais, attendez, il y a un problème. Il y a le feu, je crois. Il y a le feu, les gars. On ouais, on crame. On est en train de mourir, ça y est. Voilà, on meurt et on est mort. Ça y est, c'est à nous. C'est à nous de passer l'éponge. Ouais, ça y est, on est mort. J'ai mis du temps à mourir, je suis désolé. Non, t'es pas mort encore. S'il te plaît, meurs encore un peu plus. Chaque jour. Nous mourrons chaque jour un peu plus. Où ils sont tous les deux, je les confonds. On a besoin de bouc émissaire en ce moment. Ça y est, je suis mort. Chacun son truc. Les boucs, moi j'aime bien, les boucs c'est pas mal. Hein, les boucs. Les boucs. Des même des radio nuisances, la radio qui nuit à vos sens. C'est ça, la radio de toutes les nuisances. Enfin l'émission en fait, mais. Non, on aime bien vous enculer les oreilles. Non, on ferait pas ça, on s'encule les oreilles à soi d'abord, pour être sûr de ce qu'on envoie chez les gens et c'est pas de l'encul, vous pouvez nous faire confiance, on vous en pas de la merde. C'est l'amour à vos oreilles si vous préférez, mais il y a quand même. C'est l'amour à vos oreilles. Ouh tcha tcha tcha. Même bien. Si ça ressort vermeil, ah ouh, on se balade sur la plage, ah ouh, tcha tcha tcha. C'est grave quoi. Il mise dans tes oreilles, ah ouh, ah ouh. Pourquoi tu n'as pas de ceinture de kung fu, ah ouh, tcha tcha tcha. C'est parce que tu es fou, ah ouh, ah ouh. Mais demain tu pourras chanter à ouh tcha tcha tcha sur le yacht de notre ami Hervé. À ouh, est-ce qu'un jour tu arrêteras à ouh tcha tcha tcha dépasser sous le bureau. À ouh, pourtant j'aime quand tu aspires. À ouh tcha tcha tcha, j'ai l'impression que c'est un aspirateur. À ouh. Un aveu qu'on fait à quelqu'un de cher dans ses yeux. La queue est un aveu qu'on fait de chair. Qu'on fait de chair et de queue. C'est un aveu que tu fais. Que tu fais parce que ton désir est gaieté. Et avec gaieté, tu suces des queues. Et avec gaieté, tu fais tes aveux à ta queue. Fais péter du larcène, du larcène, du gros larcène, là là. Allez, fais péter du vrai son, fais de la merde quoi. Du vrai son de merde. Ça c'est cool. Vas-y continue mais avec du grave et du machin. Ah, enfin un vrai. Ouais. Ah tu putain de bordel. C'est soft ce soir. Avec des préservatifs. 8, 9, des potes et des meufs. 10, 11, 12, allez on va faire une partouze. What? t'échappera pas. De ma saucisse. Ah ouais, c'est ça le truc, tu vois, moi j'essaie de te le dire depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on m'écoute, moi? Non? On m'écoute pas? Ça donne capote de... Maman, les bouquets bouge. Moi j'aime pas quand c'est assez vite. J'aime manger de la merde. Après c'est un peu la javel. La merde, c'est bon. C'est bon la merde. La javel. J'ai envie de manger de la merde. C'est Jean Baudel. Bonjour de la merde. Comment tu t'appelles? Jean Baudel. Jean Baudel. Microprophage. Jean Baudel. Jean Baudel. Oui, ça va? Saltimbanque du 16e siècle, Jean Baudel a été un des précurseurs des saltimbanques libertins de notre société. Jean Baudel, non. Rendons donc un hommage à ce grand homme qui est Jean Baudel. Comment nous nous appelons? Jean Baudel. Comment nous vivons? Bordjartel. Comment nous nous appelons? Jean Baudel. Et comment nous vivons? Bordjartel. Et c'est qui fout le bordel? Le ministre. Ouais. Ouais. Prout. Prout. Prout. Prout. Prout. Prout. Prout. Prout. Défense jusqu'à même la race humaine. Aouh, aouh. Race humaine faite d'hymen et race de merde. Fichés comme des bovins qui s'appellent des humains. Qu'est-ce que tu lis sur les hymens? Quel est ton domaine? J'ai bien connexion. La fellation? Ou la prostitution? Interconnexion sans raison de gens qui, avec des émotions, s'enculent très profond. Démon, un petit peu comme un certain enfant qui s'appelle démon, Clément. Démon, sort. Démon, des démons qui sort-toi de moi, démon, démon, sors-toi de là. Ne reste pas planté dans ce marais. Ne reste pas planté dans ce marasme de pensée. Démon, démon, envole-toi, envole-moi. Contre cette fatalité qui colle dans ton enfant. maintenant, petit enfant, je m'insinue lentement dans les entrailles de ton vivant. Et pourtant, petit enfant, je m'insinue lentement. Ça y est, y a plus rien qui se passe, on peut arrêter maintenant, parce que j'en ai marre, je suis là pour garder l'immeuble, hein, pas pour vous payer des verres et vous faire taire. Hein. C'est le gardien, il fait un striptease. Il est même pas meuble, il est immeuble. Allez, un dernier verre, on va rendre visite à ta mère. Tu pas faire la chasse à ma mère. Je leur dis que je veux pas. C'est talent, il est bouffant depuis son lit. C'est dégueulasse si ça se passe comme la ça. Existe la vie. Il faut la magie de la vie et du lit. Là où on peut se retrouver pour ensuite communier. On va discuter et échanger. Mais ensuite je vais me taper ta remède. Parce que c'est la plus bonne de toutes les grosses gueules. Vas-y micro, déshabille-toi encore. Oui j'aime ça. Il y a un truc qui signe avec la vie. Oh micro, mais heureusement, j'aime quand tu passes sous le bureau. Oh micro, pourquoi as-tu ce soir un lumbago? C'est trop dommage pour la levrette et les serviettes. Viens donc ici que je te fouette pour te remettre les vertèbres en place. Oh micro bleu, ouais mais ta profession n'est pas reconnue. Pas la sécurité. Tu es vite au tracteur, ça sent le vécu. Mais en fait près du radiateur ça fait mal au cul. Oh oui micro bleu, mais si tu savais comme j'en voudrais comme toi c'est deux. Oh oui micro bleu, si jamais tu n'étais pas là il faudrait t'inventer. Mais ce serait mieux avec un marchepied. Tu as besoin que me prendre sur la troisième marche. Mais l'escalier, franchement, c'est bien fait pour les vaches. Est-ce que tu pourrais faire un effort pour une fois et me gaver la bouche avec ta bite comme une oie? Non, non, non, je ne veux pas. Parce que les oies, c'est un animal noble. Non, non, je ne veux pas. Parce que les oies, on dit que c'est bête. Alors prends-moi comme une bête. Une plume. S'il te plaît, n'arrête pas. Je sens que je vais jouir. Mais si tu jouis, moi je vais faire mon caca. Mon et caca. Si on casse-toi. C'est mon caca. Je joue toujours. Pas besoin de le dire. Bien sûr que je joue. Il est tout le temps en état de grâce. Spécial casse dédié à tous les gens qui jouissent en silence. Ne dites rien à votre partenaire, laissez-la dans l'expectative, qu'elle se prenne la tête. Dites-lui que c'est le plus mauvais que vous avez baisé, même si c'est la meilleure. C'est qu'une grosse pute, même si c'est un mec. Ah bah dis donc, bah putain, c'est comme ça que vous parlez de vos amoureuses, mais bordel de merde, hein, calmez-vous les gars. Chier dessus. Putain, c'est grave. Dans la bouche et dans les yeux. Ça passe par tes conduits lacrymales, tu chies des larmes de mer. Mais même si c'est une buse, dis-toi qu'elle a des limites. La ruse, alors faut pas exagérer avec ça. Mais si c'était une pute, elle n'aurait pas vraiment de limite. Elle pourrait même aller à droite. Tu la prends par derrière, c'est pas très grave. On dirait qu'elle est branchée comme un paratonnerre. Elle encaisse n'importe quoi, même les cinq doigts et même les deux mains. Ah, mais on s'en fout, les gens. Ah, va mourir un jour, comme son individu rameur. Tout le monde le sait, de justifier de notre présence. Peu importe qui nous en est, on nous demande de justifier de notre existence. On est traité comme des bovins et on appelle ça le genre humain. Ils absolument nos péchés et nous paraissent et nous disent que nous finirons au paradis ou en enfer. Chacun de mes pas, je sens le sol brûlant. Ce ne sont que des humains et ils se font croire humains et devins. Le sol humain, les pieds sur terre. La terre pour moi c'est déjà un enfer. Alors moi, je suis pêcheur et je pêche au filet et... brûle les pieds. J'ai bâti une maison qui est au fond de mon jardin. Papier. J'ai bâti une papier. Maison qui est construite de papier. Parchemin. Identité, papier, identité et liberté. Je me suis conceptionné une religion qui n'est bâtie sur rien. Je ne suis pas grand chose, mais je ne vote pas. Très bien. Frontière et matière, humain et matière. La matière un petit peu. Je sais pas en fait. Existence contrôlée. C'est demi-partagé. Père Castor, raconte-nous une histoire. Partagé ou dévoué. Allez, une histoire, s'il te plaît, une histoire. Mais pas dans le noir, comment il s'est dit. Le chef indien dans la forêt a demandé au petit curé de lui apporter un délice. Un délice, oui, s'il te plaît. Mais un délice sans armistice. Serpentant dans la forêt, le délice arriva. Il arriva et sur un arbre trôna. Abîmé d'un coup de fouet, celui-ci tomba. Est-elle un oiseau émietté? Il n'arriva pas à s'en relever. Abîmé la plume de la vie qui s'écrit, l'histoire appartient à celui qui subit. Alors, qui ne me sauvera pas. Celui qui subit la vie est un peu plus ici que tous ces cons qui se croient avoir la raison. Qui ne pourrait avoir d'objection à son être, je me suis déguisé en protège-mouffe. Évidemment, une inutilité, pour le prix d'une, tu en as deux, et te voilà réchauffé pour un hiver assez rigoureux. Si tu as un voisin, alors Please give me vitamin. I need chocolate. I want my chocolate. Give me my chocolate. Mommy, I want my chocolate, mommy. Maman, je veux mon chocolat. Je veux mon chocolat, maman. Mon chocolat dans mon anus. Mon chocolat dans mon anus. Mon chocolat, mon chocolat, mon chocolat, mon chocolat. Le jus n'en fait que découler de l'arbre de la volonté. Non, le paradis n'a pas de reste. L'arbre de la volonté, très bien, comment que ça se passe, hein. Il y a une vie après la mort. L'arbre de la volonté, la mort n'est pas l'ultime conceptualisation de l'être, car la conscience a su se produire. La chair, le corps, la petite tape, on peut dire la petite. Le temps n'est rien. Lâche-moi. Il est démesuré. Schleim, Krak, Schlong, Schkin, Fahr, Combien de spermatozoïdes on pourrait se faire dans l'univers? Entièrement d'accord. Mais alors, plus rien ne sert de racler la pierre. Et si la terre ne rend plus de pulpe, qui lui rendra ses sucres? Ça veut dire que sa prison, il n'y a plus de... Sa prison est ostentatoire. Barreau, quand la bouteille est tenue par un homme qui ne sait boire, la bouteille s'enfile et se fait... Et si à la radio il n'y a plus d'auditeurs, alors dans le préau pousseront des fleurs. Il y a beaucoup de sagesse dans ces lieux. Que de la cesse dans ton pieu. Perdu, loin, il fond du gland, quelque part sur une queue. Perdu, qui loin. Fait des envieux. Surtout si elle est grosse. Cela étant dit, c'est moi qui suis passé le dernier et qui ai dévoilé les plaisirs à ton aimé. Nous sommes seuls face grâce à Dieu, plus personne ne peut nous juger, car nous sommes la somme, nous sommes que nous sommes, et la discussion perpétuelle, nous sommes bien la impitoyable et loyale. Impitoyable comme l'innommable qui se gratte le nez sous son aîné de peu, mais il sait mieux que peu d'entre nous ce que le tout veut dire à peu près rien. Même si ça va bien, c'est mal de penser qu'on est gentil si on fait le gentil pour être vraiment beau. La liberté, tu nous auras un jour, liberté, tu nous sauveras pour chercher. Tes torts de moi, c'est elle qui te trouvera. Et oui, jamais la cherche pas, et tu la garderas. C'est bon contre le cafard, et ça chasse les idées noires. Je vous donnerai un bras pour me défoncer là-bas. Je vous donnerai mes yeux si vous me permettez d'être heureux. Alors défoncez-moi s'il vous plaît, amenez-moi là-bas vers le Nirvana, vers le Nirvana. Tirez dans Ben, arrête, ça c'est ma bite. Arrête, Ben, non, arrête. Ben, un oiseau, une chèvre et matrique. Arrête d'enculer Farid. S'il te plaît, il parle au micro là. Il va plus pouvoir parler si tu l'encules. Il va crier dedans, c'est pas bien. Putain, Ben, arrête. Prends mon micro s'il te plaît, j'arrête de parler. Mais arrête d'enculer Farid, c'est mon aimé. Mais non, c'est mon promis. À toi aussi. Toi c'est ton aimé, mais moi c'est mon promis, c'est encore mieux. Mais c'est dégueulasse. Parce que qui dit promis dit soumis. Et qui dit soumis dit ma possession. Ouais mais toi il s'est soumis alors que moi ben, ah, mais lui-même. Pas sur moi, là. Non, il est promis. Promis par les vœux de la loi. Et moi il est soumis par les vœux de moi. Ouais mais moi j'aime pas les jeux de loi. Et il est soumis par les rois. Oh oui, je t'encule. Il est 11h, ouais, nous sommes toujours sur Canal. L'émission va bientôt terminer. Alors moi je propose qu'on fasse quelque chose de un peu plus élaboré. Moi je propose qu'on fasse quelque chose de destructif, genre boire de la bière, du whisky. Non mais je te parle pas. Boire d'autres choses, mais la bière et le whisky sont déjà un début. Ouais. Nous. J'ai vraiment beaucoup de nous n'avons rien fait. reconnaître le lapin et le chevreuil. C'est comme le Portugal et la Turquie, ces deux pays sont inconceptualisables. Un esprit qui est aussi dépensé que le mien. Le tien est parti dans le nuage, il est parti en voyage, et jamais reviendra de son naufrage. Jartel, je descends très brutal. En une panoplie de pucelles falsifiées, invitées en blanc pour visiter notre gland. Dédicace à toutes les patates au fond de l'hypertu. Une réalité virtuelle, une réalité factice, une réalité imaginaire, une réalité de mon fait. Il faut que je fuis dans ma réalité. Ma réalité, c'est la vraie réalité, c'est la vérité. Même que ce que je dis, c'est vrai. C'est ma réalité qui est vraie. T'as jamais dit de fermer ta gueule. Je confirme, autour de son sexe, il n'y a que des points noirs. Autour de son sexe, il n'y a que des points blancs. Autour de son sexe, il n'y a rien. On dirait la télé. Comment la télé ne peut plus transmettre l'émission de la télé. Une fromage de bite. Ça a tendance à couler le long de tes lèvres. Tu connais pas le proverbe chinois qui dit ta gueule. Ta gueule, elle ressemble à celle de mon espagnol. Please give me cheese. Please give me cheese. Everywhere. You got any special K on you? You got any ketamine, man? You have any ketamine, man? I'd like some ketamine, man. Do you have any ketamine? Yeah, I got like 20 bucks, 20 euros, yeah. Ketamine? You have any ketamine? That's cool. I'll take some ketamine. Ketamine, that's cool. Thank you very much. Goodbye, yeah. Goodbye. Here's your 20 bucks, fucker. Give me speed, LSD, amphetamines, you know what I'm saying? You actually know what I'm talking about, man. I mean, Pas de piste de pute, je veux t'adapter ta pute. J'arrête la vie. Elle est morte Adèle. I need to kill myself with a good film. Ça sent la vieux Fruity Loops. Avec du gravier dans mon cul, tu fais des deniers. Fais du denier avec ton petit petit. Avec des deniers dans mon cul, fais du blé. Avec du gravier dans mon cul, fais plein de blé. Avec du gravier dans mon cul, fais des deniers. Avec ton cul, ton cul, vas-y, fais du blé. Avec ton cul, vas-y, fais du blé. Vas-y, fais du blé. Avec ton cul. Avec ton cul, bouge, bouge. Bouge, bouge, avec ton boule. Bouge, bouge, bouge, bouge, avec ton boule. S'il te plaît, vas-y, bouge pas comme boule. Ton cul, il fait des têtus. Oh oui, ton cul, il fait des têtus. Il pense à lui même quand il est pas ici. Oh oui, ton cul, il fait des têtus. Il pense à lui même quand il est pas ici. L'enfer à son paroxysme. Esclaves si suaves. Contre les bandits. Transmélao. Radio de tout ce qui est la radio qui irrite. Il était beau, il était grand, il était beau. Il avait une vasette noire. Tu le tues avec un bout de calque pyrite. Si tu te défierais pas, c'est trop étroit. Je n'ai pas de lubrifiant, sois conscient que ça ne rime à rien dans un vagin. Tous les plaisirs sont boycottés dans la société. C'est une femme d'âge. C'est moi, je t'assure, Dieu l'a fait jouer avec tout ce qu'elle a. Vas-y, mange un vagin. Qui s'écoute avec tous vos sens. Wouhou. Vive la séance et la sentence. Moi je veux plaider en faveur de la sentence et du plaidoyer. Est-ce que seulement les gens qui ont le droit de condamner n'auraient-ils pas un cœur comme tous les êtres humains? Si on leur supprime, ils en meurent. Oh oui, s'ils ont besoin de condamner, qu'ils condamnent. La sentence sera ma semence sur ton essence de ta petite enfance. Alors condamnez-moi dès l'enfance par la semence, elle le curé, le camaré qui a les brouilleux qui pend, qui se sert de ses enfants de cœur pour soulager sa douleur et pour sortir de la torpeur dans laquelle la plongée de Dieu mon cœur. Je souhaiterais souligner une action du FLN, exactement le FLN qui combat encore Charles de Gaulle alors qu'il est mort depuis presque 40 ans. Merci le FLN. Ça c'est même à surligner. Ben oui, mais c'est la merde. Non, je veux dire, fais chier pour Charles de Gaulle, c'est parce que j'aime bien Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est mon patriote. Arrête de patauger dans ton caca, il y a un gars qui me dit... Maladie vénérienne. Toi t'es vénère, pourquoi tu patauges dans ton caca? Moi je lui dis, arrête de patauger dans ton caca. J'ai ses musicales.